La cérémonie consacrée à la Journée internationale des sages-femmes 2016 a eu lieu le 25 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part les officiels de la santé publique, des ministères, des établissements centraux, de la presse, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population, le chef du bureau onusien du Fonds pour la Population, les membres de diverses institutions internationales, les représentants diplomatiques et leurs collaborateurs en Corée. À la suite des paroles, il y a eu les interventions telles que soins indispensables des sages-femmes envers les femmes accouchées dans la salle d'accouchement. Les enfants ont donné ensuite le spectacle de propagande hygiénique.